Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres. Sur Osmose Radio. Kiss the girl and I like it. J'ai embrassé une fille et j'ai aimé ça. C'est un peu notre point commun entre Katy Perry et moi. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, mes petits loups. On est bien mardi soir. Vous êtes bien dans votre playlist rock et new wave avec Stéphane pour vous accueillir. Et ce morceau, donc un classique depuis une dizaine d'années, Katy Perry, I Kissed a Girl. Pourquoi ? Parce que demain, 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes, plus communément appelée journée de la femme. Et donc ce soir, je vous invite à une playlist Girl Power. Voilà, le ton est donné, vous êtes bien dans l'heure du loup et on continue sur ce thème avec The Gossip et le titre Jealous Girl. You're not the enemy, but underneath The Gossip, avec le titre Jealous Girl. The Gossip en anglais, ça signifie les commérages. Et ça, c'est bien un truc de meuf, hein. Enfin bref, en tout cas, c'était une bonne entrée en matière pour cette playlist Girl Power ce soir, à l'occasion de la journée de la femme, mercredi 8 mars, qui aura lieu demain. Et je voulais y faire un petit clin d'œil quand même, notamment avec la voix de Bess Ditto sur ce titre, Jealous Girl. Bess Ditto, hein, qui avait incarné une autre forme, finalement, avec ses formes, justement, qu'elle assumait. Une autre forme de girl power, en quelque sorte, avec sa voix assez phénoménale, dans ce groupe de grok qui était tout de même particulièrement énergique dans les années qui a bien animé les années 2000. Voilà, chers amis, vous êtes bien dans votre playlist Rock New Wave sur Osmose Radio, c'est l'heure du loup. Comme je vous le dis, ce soir, c'est une émission consacrée aux dames, comme dirait notre ami Francis Cabrel, et les dames, ce soir, seront à l'honneur dans la playlist. Alors, on a commencé avec quelques américaines, et bien jamais 203. On va continuer avec Joan Jett, qui, dès le mi-temps des années 70, hein, dans la période de transition entre le glam et le punk, animait, chantait, menait notamment les Runaways, un groupe de nanas qui nous ont laissé quelques perles, notamment une petite dédicace à ce côté qu'ont les filles parfois de se faire une bouche rouge cerise en mettant du rouge à lèvres, grenat, carmin, tout ça. Et bien, faut savoir qu'il y a quelque chose d'explosif qui se cache derrière, toujours, que ce soit un mot acéré ou que ce soit un bisou passionné. Et tout de suite, c'est peut-être un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer, les Runaways, Joan Jett, et le titre Cherry Bomb. Girl! Bad Girl, fille mauvaise, ça fait un peu pléonasme, mais bon, c'est comme ça. C'était le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant par le duo de She Said Destroy. C'était enchaîné juste avant avec un classique, les Runaways, c'est le titre Cherry Bomb, qui était sorti en 76-77 sur le premier album des Runaways. Joan Jett, Lita Ford, qui ont toutes les deux fait une belle carrière après dans les années 80. Joan Jett notamment avait fait une autre version après avec son groupe les Black Hearts de ce titre Cherry Bomb, que j'ai découverte hier en préparant l'émission, mais je préférais vous ramener ce soir la version originale. Et She Said Destroy qu'on écoutait à l'instant, en fait c'est un duo punk, un duo féminin de Bologne en Italie, et qui reprenait là à l'instant un titre plutôt orienté pop et R&B de la chanteuse M.I.A. Mia en français, hein. Et c'était donc le titre Bad Girl qu'on écoutait à l'instant, voilà, donc dans une version un peu plus pêchue et un peu plus électrique. Les filles, ce qui sont à l'honneur ce soir dans la playlist, vous disais-je, les filles restent quand même un sujet, sinon d'étonnement, du moins de controverse, et aussi toujours de surprise. Moi, je vois ça de mon point de vue, je suis un mec, hein, je suis dans le camp adverse. Et parfois, je me dis quand même que tantôt, ce sont au pire de belles salopes, au mieux des créatures curieuses. Et bien, c'est un petit peu le propos du groupe avec lequel on va continuer. Un groupe de rock gothique des années 2000 aux États-Unis. Puisque parfois les filles nous apparaissent un petit peu comme des créatures mutantes d'outre-espace, hein, un petit peu comme dans les films fantastiques, les séries B, tout ça. Les Scary Bitches nous proposent un morceau qui s'appelle Lesbian Vampires from Outer Space. We shall defend our island. We shall never surrender. Lesbian vampires from outer space. Lesbian vampires from outer space. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Lesbian vampires from outer space. Lesbian vampires. de Red Shoes avec le titre An Animal. C'était enchaîné juste avant avec un groupe qui s'appelait les Scary Bitches. Déjà rien que le nom c'est un poème. Scary Bitches avec le titre Les vampires lesbiennes d'outre-espace. Ça fait un peu titre de film de série B, de film d'horreur pas cher des années 50, tout ça. Genre Ed Wood, ce que faisait Ed Wood un petit peu dans les années 50, hein, le vampire, le cinéma fantastique avec des effets spéciaux à 3 francs 6 sous. Et donc, parfois, hein, les filles apparaissent comme des créatures un petit peu curieuses, un petit peu comme des vampires lesbiennes d'outre-espace, en d'autres termes. Voilà. Et un animal, le groupe Blood Red Shoes, pourquoi j'avais envie de ramener ce groupe-là? Parce qu'en fait, il y a parfois une controverse entre les féministes et les filles non féministes, ça existe aussi, au niveau des chaussures Louboutin. Vous connaissez, hein, ces fameux souliers qui coûtent la peau des fesses et qui sont notamment distingués par leur semelle, la face externe des semelles en rouge. Parfois, on a l'impression qu'elles ont marché dans du sang avec ces chaussures particulièrement stylées et particulièrement bien dessinées et donc qui font une démarche de déesse en quelque sorte. Alors, il y en a qui se la approprient justement pour un instrument de s'approprier un petit peu ce soulier qui a été en l'occurrence dessiné par un gars, hein, le fameux Louboutin, mais qui se le réapproprie justement pour en faire un gage et de féminité et de féminisme. Et puis il y en a d'autres qui le conspuent justement parce que ce serait comme quoi un diktat imposé par un homme à la façon de marcher des femmes. Ouais, moi je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu à vous les filles d'en décider, après tout c'est vous qui marchez avec, mais il faut reconnaître quand même que quand je vois une fille marcher avec ces souliers là, ça fait un petit peu une démarche assez féline, une démarche particulièrement gracieuse et élégante, de sorte que si on dit parfois que la femme est la plus belle créature de Dieu, en tout cas c'est un bel animal, une panthère, un tigre, quelque chose de particulièrement félin et gracieux quand vous marchez avec ce genre de chaussures. Là, je sais qu'il y en a aussi qui trafiquent, qui achètent des chaussures qui sont pas Louboutin et qui peignent la semelle en rouge, mais ça c'est un autre débat, une petite astuce qu'on ne vous reprochera pas. Voilà. Mais bon, on va continuer. Alors, parce que parfois, je vous disais, ouais, les filles sont des créatures un petit peu curieuses, mais quand même, des fois, on se demande, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, hein? Ben justement, c'est un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer, puisque Lux Interior et Poison Ivy, dès les années 80, se posaient la question, qu'est-ce qu'il y a dans les filles? Eh bien, c'est le propos de leur prochain morceau, What's Inside a Girl? Come on, baby, what's inside a girl?

Comme ces gardiens de phare peuplés, Yvon le poignet, qui ne pouvait pas rester plus de 6 mois d'affilée à son poste. Malgré la conscience professionnelle avec laquelle il astiquait son phare entre 2 naufrages, il lui fallait absolument revenir périodiquement à terre pour se livrer sur la personne de son épouse à des gesticulations spasmodiques dont la seule évocation soulève le cœur des reins qui bat sous la robe austère de la, oui, de la justice. Donc Josiane Balasko est coupable. La peine de mort étant toujours supprimée cette semaine, je suggère une peine d'incarcération pendant 8 jours dans l'ascenseur de la tour Montparnasse avec diffusion alternative ininterrompue de l'Adagio d'Albinoni et des Feuilles mortes par Yves Montand. Les femmes ont-elles de l'humour? J'aime à le croire. En tout cas, vous me pardonnerez cette digression, mesdames, hein, mais là, c'était un extrait du tribunal des flagrants délires avec un réquisitoire de Pierre Desproges qui s'amusait un peu à étrier ces créatures merveilleuses, mais parfois intrigantes, qui représentent la moitié de l'humanité et qui sont vous, chères charmantes auditrices. Que vous incarnez, charmantes auditrices, bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane, avec sa playlist Rock et New Wave. Et ce soir, on est encore ensemble pour 20 bonnes minutes de musique. Et ce soir, le thème, c'est, puisque c'est une playlist consacrée aux filles, consacrée aux dames, puisque demain, c'est la journée de la femme, demain, mercredi 8 mars. Voilà. Les femmes, donc je me suis amusé à vous taquiner, mesdames, hein, en vous traitant de créatures bizarres, etc. Des proches a ajouté sa note à lui dans ce petit sketch qu'on vient d'écouter et pour autant je me garderai bien de mettre la femme sur un piédestal. C'est le meilleur moyen de légitimer à mon sens les inégalités de salaire, les inégalités sociales, etc. Il y en a qui disent que oui, les femmes sont pures, etc. Elles font jamais la guerre, elles n'aiment pas la violence, etc. Ben, si vous n'aimez pas la violence, c'est que vous n'avez pas connu ma belle-mère. Si vous croyez que les femmes n'aiment pas la violence, c'est que vous n'avez pas connu cette femme-là, et si vous pensez que les femmes ne font pas la guerre, vous vous trompez. Les Kurdes, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, les Kurdes nous prouvent régulièrement, puisqu'on parle beaucoup de la guerre en Syrie depuis quelques années, les Kurdes nous prouvent régulièrement que les nanas savent se battre aussi bien que les hommes, puisqu'elles sont snipers ou fantassins dans les milices kurdes qui combattent notamment les couillons islamistes de Daesh, pour lesquels les femmes ne peuvent être que leurs putes. Donc bien joué les filles, et bien justement Pixies nous en parlait déjà dans un morceau il y a 2 ou 3 ans, c'était sur l'album Indie Candy qui était sorti en 2014, et tout de suite on écoute le titre Woman of War. Woman of War. C'est un extrait du dernier album, de l'avant-dernier album des Pixies, pardon, pas celui qu'ils avaient sorti en octobre, celui qu'ils avaient sorti en 2014. Et c'était donc le titre Woman of War, puisque ce soir le thème, c'est un clin d'œil aux filles à propos de la journée de la femme qui aura lieu demain. Voilà, chers amis, on va aller vers des styles un petit peu différents, puisque jusqu'à présent on est resté dans le punk rock, et là on a évolué un petit peu vers le rock alternatif. Et bien on va aller vers des styles un peu différents, disais-je, avec des styles un petit peu plus électro et new wave, notamment avec le groupe Super Bass. Alors si vous êtes des auditeurs réguliers de l'émission, vous savez que j'ai eu un coup de cœur sur ce groupe là puisque je vous emmène régulièrement. Super Bass, en fait, ce sont des mecs de Biélorussie et qui ont la curieuse habitude de nommer leurs albums en français, et donc ils chantent en russe et le nom de leurs albums c'est toujours en français. Notamment il y a quelques années, ben en 2014 aussi d'ailleurs, ils avaient sorti un album qui s'appelait Musique pour les filles, et je vous en propose un extrait ce soir avec le titre Golodnaya Reka. l'instant deux morceaux enchaînés dans le style synth-pop et new wave. Tout d'abord, c'était Super Bass avec le titre Golodnaya Reka, ce qui signifie en russe de bois et de terre. Moi, je croyais que Dieu avait créé la femme Ève à partir d'une des côtes d'Adam. Bon, ben, j'ai du mal comprendre la Bible. Et Super Bass est un extrait de l'album Musique pour les filles. Et juste après, un autre groupe dans le même style, mais plus ancien, celui-là, avec le morceau Dans les profondeurs. Parce que oui, il y a quelque chose de profond chez la femme. Vous interprétez cette phrase comme vous voulez. Il y a quelque chose de profond chez la femme, disais-je. La moindre des choses, hein, ce n'est pas parmi ce qu'il y a de profond chez la femme. C'est surtout l'amour qu'elle nous porte à nous autres pauvres couillons. Voilà, et donc c'est à l'instant, c'était le groupe Violence Conjugale. Ben là, un thème qui concerne les femmes aussi souvent et qui est loin d'être drôle. Et c'était aussi le nom de ce groupe, Synthpop des années 80. Hein, la scène française des années 80 était particulièrement dynamique dans ce style-là. Voilà, chers amis, on va aller vers des choses un petit peu plus calmes, avec un aspect de l'image qu'on se fait parfois de la femme qui est loin d'être le plus désagréable, et qui est parfois un peu hiératique, qui est parfois un petit peu trompeur d'ailleurs. Et il y a beaucoup de divas qui ont incarné ça avec talent. Je pense notamment à la chanteuse Nico du groupe The Velvet Underground, cette chanteuse allemande qui avait fait ses classes aux États-Unis avec ce groupe et qui après a fait une carrière solo et qui effectivement elle était une femme assez phénoménale, très très très belle, qui avait été mannequin d'ailleurs je crois, et qui interprétait sur scène avec Lou Reed et John Cale etc, et Tutti Quanti et toute cette petite bande, certains morceaux qui ont marqué les années 60, et je vous en propose un ce soir, un extrait de cet album, vous savez, où il y avait la pochette avec la banane qui avait été dessinée par Andy Warhol. Je ne me souviens plus du nom de cet album, je crois que c'était The Velvet Underground, tout simplement. Bref, je vous en propose un extrait ce soir, tout de suite, Femme Fatale. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Your number. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Il y a les viragos, il y a les oies blanches, il y a les précieuses ridicules, et parmi tous les innombrables archétypes de femmes que les hommes ont codifiés, il y a la femme fatale qu'incarnait avec beauté, grâce et talent, notamment la chanteuse Nico, qu'on vient d'écouter à l'instant avec le Velvet Underground, et ce titre, Femme fatale. Voilà. Et femme fatale, un archétype, disais-je. Pour conclure sur cette playlist consacrée aux filles ce soir dans l'heure du loup, et une playlist qui fait la part belle au groupe de filles notamment et aux interprètes, pour vous rendre hommage, mesdames, parce que même si je vous ai taquiné, même si je vous ai étrié, même si j'ai donné la parole à des proches qui s'est gentiment moqué de vous, sachez que je vous aime les filles, oui j'aime les femmes, surtout la mienne. Voilà chers amis, allez, pour nous quitter, eh bien comme notre habitude, on va aller dans des styles musicaux un petit peu différents de ce qu'on a écouté ensemble pendant une heure, et ce soir ce sera de la chanson française des années 60 avec un titre tout à fait particulier qui répondra peut-être à une question que certains d'entre vous se posent, les gars. On voit les filles le jour, hein, on les voit qui travaillent, on les voit qui vont chercher les gosses à l'école, on les voit qui font les vitrines, on les voit qui travaillent encore parce qu'elles travaillent beaucoup, faut pas pousser, et on a tendance parfois à l'oublier, surtout quand on est patron d'une boîte, hein. Par contre, qu'est-ce qu'elles font la nuit, les filles? Ça, c'est un dilemme, ça, c'est une question, on sait pas trop. Eh bien, justement, la chanteuse Colette Renard a entrepris pour nous de résoudre ce problème et de nous apporter la réponse dans une très jolie chanson qui avait été en partie censurée, à savoir que cette chanson, Les Nuits d'une Demoiselle, avec laquelle on va se quitter, Les Nuits d'une Demoiselle avait connu une version diffusable à l'époque dans les années 60 à la radio, et puis une version complète qui était non censurée et que dont je vous donnerai le lien si ça vous intéresse sur le Facebook de l'heure du loup. Pour le moment, ce soir, je vous propose une version un petit peu sage, et Les Nuits d'une Demoiselle, je vous souhaite une belle nuit, chers amis, je vous propose de nous revoir la semaine prochaine. Bisous. La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.